Frédéric Mistral, Mireille, chants 9 à 12. Lu par Églantine pour audiocité.net. Chant 9e. L'Assemblée. Les grands micocouliers pleurèrent. Affligés, s'enfermèrent dans leurs ruches les abeilles, oubliant le paquage plein de titimales et de sarriettes. Avez-vous point vu où est Mireille ? Demandaient les nymphéas aux gentils alcyons bleus adonnés au vivier. Le vieux Ramon et son épouse, tous deux gonflés de larmes, ensemble, la mort au cœur, assis dans le mas, mûrissent leur douleur. Certes, il faut avoir l'âme en délire, ô malheureuse, ô écervelée, de la folle jeunesse, ô terrible et lourde chute. Notre Mireille, belle, ô équipée, ô pleure, avec le dernier des truands, s'est enlevée, enlevée avec un bohème. Qui nous dira dévergondée le lieu, la caverne reculée où le larron t'a conduite ? Et ils branlaient ensemble leurs fronts orageux. Avec l'ânesse et les mânes de Sparterie vinrent les chansons selon l'usage. Et, debout sur le seuil, « Bonjour, je venais quérir, maître, les œufs et le grand boire. »« Retourne-toi, malédiction !» cria le vieillard, « car tel qu'un chêne-liège, sans aile, il me semble maintenant qu'on m'a arraché l'écorce. D'une seule course, retourne-toi de ta venue et chanson. À travers champs, pars comme l'éclair, que les faucheurs et laboureurs quittent les faux et les charrues. Ô moissonneur, dis de jeter les faucilles. Ô berger, de laisser le bétail. Qu'ils viennent me trouver !» Aussitôt, plus léger que les chèvres, par le valet fidèle. Il traverse dans les terrains pierreux les beaux sainfoins rouges. Il passe entre les yeuses des hauts talus. Il franchit d'un bond les chemins bas. Il sent déjà les parfums du foin fraîchement abattu. Dans les luzernes touffues, hautes et de bleu toutes fleuries, il entend craquer de loin la faux. À pas égaux, il voit avancer les forts faucheurs ployé sur l'andin. De côté, devant l'acier destructeur de verdure, se renverse la fane en lignes qui font plaisir à voir. Des enfants, des jeunes filles rieuses, dans l'andin verdoyant ratelé. Il en voit qui mettent à meule le foin déjà prêt. Il chantait, et les grillons qui désertaient devant les faux écoutaient. Sur un chartil de frêne que tirent deux bœufs blonds, là-bas, plus loin, il voit, large et haute, l'herbe fauchée que l'on charge, l'habile charretier sur le charroi là-haut à grande brassée du fourrage qui lui enfermait la ceinture et levait sans cesse la hauteur, couvrant ridelles et roues et timons. Et, avec le foin qui traînait, lorsqu'ensuite s'avançait le char, d'un bâtiment de mer vous eussiez dit la masse. Voici pourtant que le chargeur, comme un jouteur se lève droit, écrit soudain à ceux qui fauchent. « Faucheurs, arrêtez-vous, il y a quelque trouble !» Les aides-charretiers, qui, à pleine fourche, lui présentaient l'herbe fanée, essuyèrent les gouttes de leur front ruisselant, et, sur le ceinturon de leur taille, posant le dos de la faux, vers la plaine où darde le soleil, les faucheurs tenaient la vue en aiguisant. « Homme, écoutez ce qu'a dit le maître !» leur fait le messager rustique. « Et chanson, m'a-t-il dit, part soudain comme l'éclair, que les faucheurs et laboureurs quittent les faux et les charrues. Au moissonneur, dit de jeter les faucilles. Au berger, de laisser le bétail. Qu'ils viennent me trouver !» Aussitôt, plus léger que les chèvres, part le valet fidèle. Il enjambe les billons, où croissent les garances d'altaines précieux souvenirs. Il voit de partout la maturité qui dore la terre au feu de sa torche. Dans les guérets étoilés d'aurioles, il voit, cheminant derrière leurs mules, les laboureurs vigoureux courbés sur la charrue. Il voit, de son sommeil hivernal, la terre en mottes difformes se soulever et, dans l'énorme sillon, les hoches-queues suivent l'arrière, frétillant. « Hommes, écoutez ce qu'a dit le maître !» leur dit le messager rustique. « Échanson, m'a-t-il dit, par soudain comme l'éclair, que les faucheurs et laboureurs quittent les faux et les charrues. Aux moissonneurs, dis de jeter les faucilles, aux bergers de laisser le bétail, qu'ils viennent me trouver. » Aussitôt, plus léger que les chèvres, part le valet fidèle. Il saute les fossés, tout fleuri d'herbes prairiales. Il troue dans les champs d'avoine blanc. Dans les grandes pièces de blé, rousses d'épis, il se perd au loin. 40 moissonneurs, 40, pareils à des flammes dévorantes, de son vêtement touffu, odorant, gracieux, dépouiller la terre. Ils allaient sur la moisson qu'ils moissonnaient comme des loups. Ils dévirginaient de leur or, de leurs fleurs, et la terre, et l'été. Derrière les hommes, et en longue file, comme les crocettes d'une vigne, tombait la javelle avec ordre. Dans leurs bras, les ardentes lieuses vite ramassaient les poignets et vite, pressant la gerbe, d'un coup de genou, la jetaient derrière elles. Comme les ailes d'un essaim étincelaient les faucilles. Elles étincelaient comme, à la mer, les flots rieurs ou, au soleil, s'ébat le carrelé. Et, confondant leurs barbes rudes, en meules les hautes gerbes, en meules pyramidales, s'élevaient par centaines. Cela ressemblait par les champs au pavillon d'un camp de guerre. Comme celui de Beaucaire, autrefois, quand Simon et la croisade française et le légat qui les commande vinrent impétueux à toute horde égorger la Provence et le comte Raymond. Mais cependant, les glaneuses, çà et là, vont, se jouant, leurs glanes à la main. Cependant, au canet, ou à l'ombre chaude des gerbiers, maintes fillettes folâtres, sous un regard qui la fascine, se laissent aller à la langueur. Amour aussi et moissonneur. « Hommes, écoutez ce qu'a dit le maître !» leur fait le messager rustique. « Échanson, m'a-t-il dit, par soudain comme l'éclair, que les faucheurs et laboureurs quittent les faux et les charrues. Aux moissonneurs, dis de jeter les faucilles, aux bergers de laisser le bétail. Qu'ils viennent me trouver !» Aussitôt, plus léger que les chèvres, part le valet fidèle. Dans les oliviers gris, il prend les raccourcis du chemin. Il va comme l'éclair. Des vignobles, il tord le pampre comme une rafale de bise. Et le voilà seul au lieu où chante la perdrix. Dans la vaste étendue des crocs arides, sous des chêneteaux rabougris, il découvre au lointain les troupeaux qui reposent. Les jeunes bergers, le chef des pasteurs faisait la méridienne sur le maroube. En paix couraient les bergeronnettes sur le dos des brebis en train de ruminer. Des vapeurs diaphanes, légères et blanches, de la mer lentement s'élevaient. Peut-être, dans les hauteurs immatérielles, quelque sainte du ciel, de son voile de nonne, s'était-elle allégée en frôlant le soleil. « Hommes, écoutez ce qu'a dit le maître !» leur fait le messager rustique. « Échanson, m'a-t-il dit, soudain part comme l'éclair, que les faucheurs et laboureurs quittent les faux et les charrues. Aux moissonneurs, dis de jeter les faucilles. Aux bergers, de laisser le bétail. » Alors s'arrêtèrent les faux et firent halte les charrues. Les 40 montagnards qui abattaient les blés alors quittèrent les faucilles, et vinrent comme un essaim qui, parti de sa ruche, dès que les ailes lui ont poussé, au bruit des cymbales éclatantes, sur un pin va se rassembler. Au mas vinrent les lieuses de gerbes, vinrent les rateleuses, vint le charretier avec ses aides, vinrent les pâtres, les glaneurs et les ouvriers qui amelonnent, vinrent les entasseurs de gerbes, laissant tomber les gerbes au pied des meules. Mornes et muets, dans l'air gazonneuse, le chef de la ferme et son épouse attendaient le rassemblement. Et les hommes, émus d'être ainsi troublés dans leurs travaux, autour du maître se rendaient et lui disaient en arrivant « Vous nous avez mandé, ô maître, nous voici !» Maître Ramon leva la tête. « Toujours à la moisson, le grand orage !» infortunés que nous sommes tous, si bien avisés que nous soyons, toujours au malheur il faut se heurter. Oh, dit-il, sans que je m'explique davantage, mes bons amis, je vous en supplie, que promptement chacun me dise ce qu'il sait, ce qu'il a vu. Laurent de Goul s'avance alors. Il n'avait pas, depuis son enfance, manqué une seule fois, quand blondissent les blés, de se diriger avec le carquois de sa faucille vers les plaines d'Arles. Vieille roche que la mer frappe en vain de ses vagues, comme une pierre d'église, il avait le teint brûlé. Vieux capitaine de la faucille, que le soleil rôtisse ou que mugisse le mistral, toujours à l'œuvre le premier. Il avait avec lui ses sept fils, rustaux, allés comme lui robustes. Les moissonneurs, à juste titre, l'avaient d'un accord unanime élu pour chef. S'il est vrai qu'il pleut ou qu'il neige, lorsque rougeâtre le jour se lève, ce que j'ai vu, commença Laurent de Goul, à coup sûr, maître, nous présage des larmes. Dieu dissipait le tremblement de terre. C'était ce matin, l'aube même déjà vers le ponant chassait l'obscurité. Trempés d'égoual, à l'habitude, nous allions faire la trouée. Compagnons, rappelons-nous de bien arranger le travail, leur dis-je, et de l'entrain. Je me retrousse, à ma tâche, gaiement je me courbe. Du premier coup, maître, je me blesse. Voilà 30 ans, beau Dieu, que cela ne m'était arrivé. À ces mots, il montre ses phalanges qu'ensanglante la plaie profonde. Les parents de Mireille ont d'autant plus gémi. Et Jean Bouquet, l'un des faucheurs, prend la parole de son côté. Tarasconnais et chevalier de la Tarasque, beau bloc de garçon, mais doux et bon ami. Ah, quand courait l'antique sorcière, la Gadigadet ou la Tarasque, quand de danse, de cris, de joie et de vacarme s'enlumine la ville morne, nul qui fit en condamine, mieux que lui ou de meilleure grâce, voltiger dans les airs la pique et le drapeau. Parmi les maîtres de la fauche, il aurait pris rang au pâturage s'il eût du travail bien tenu le sentier. Mais quand venait le temps des fêtes, adieu le martelage de la faux. Aux grandes orgies, sous la tonnelle ou dans les tavernes voûtées, aux longues farandoles et aux courses de taureaux, c'était un timon, un forcené. Maître, pendant que nous fauchions à grands coups, commença le Jouvenceau, sous une touffe d'ivraie, je découvre un nid de francolins qui agitaient leurs ailerons. Et vers la fane pendante, afin d'en voir le nombre, je me penchais tout joyeux. Ô sort fatal, pauvre petite bête! D'affreuses fourmis, rouges et folles, du nid et des petits venaient de s'emparer. Trois étaient déjà morts. Le reste, infesté de cette vermine, sortait hors du nid la tête qui semblait me dire « Oh, venez me défendre !» Mais une nuée de fourmis, plus venimeuses que des orties, furieuses, acharnées, avides, les perçaient. Et moi, pensif que j'étais, contre le manche de mon fer, dans la lande j'entendis la mère qui en pleurant piaulait et les plaignait. Ce récit de malheur est de rechef un coup de lance. Du père et de la mère il a gonflé l'amer pressentiment. Et comme, en juin, quand vers la plaine monte en silence l'orage, que coup sur coup la tramontane resplendit d'éclairs et que le temps de toutes parts se couvre, vient le marrant. Dans les bastides, son nom avait du retentissement. Et le soir, pendant que les mulets attachés tirent des crèches la luzerne, souvent les vallées de la bourre, en hiver, épuisent l'huile des falots en parlant de la foi qu'il vint se louer. Il s'était loué pour les semailles. Chaque laboureur bientôt commence à tracer son sillon. Et le marrant, néanmoins, était derrière qui, de son soc, cognait gauchement les oreilles, ou le cep, ou les tyrans, comme celui qui, de sa vie, n'a touché d'outil. Tu vas te louer pour labourer, et tu ne sais pas monter un arrière, maladroit, lui cria le premier charretier. Je tiens qu'un verra avec son groin, mieux que toi, goujat, laboure. « Votre gageure, je la relève, » répondit le marrant, « et qui manquera le but, de moi ou de vous, perdra, chef, 3 louis d'or. Sonnez du clairon !» Les deux socs à la fois ont fendu le guéret. Les deux laboureurs vers l'autre rive prennent pour jalon 2 grands peupliers. Les deux arrères ne font pas une inflexion. Par le rayon du soleil, les arêtes sont dorées. « Palme de Dieu !» dirent pour lors les serviteurs, tous en qu'ils étaient. « Votre sillon, chef, est d'un homme valeureux et d'une main point maladroite. Mais, disons tout, tellement droit est celui de l'autre qu'avec une flèche, on pourrait assurément l'enfiler tout du long. » Et le marrant gagna le prix. Dans le conseil qui déconcerte, le marrant lui aussi vint donc verser son mot amer. Il dit, tout blême, « Tantôt, en labourant, je sifflais. C'était tant soit peu dur. Je me proposais d'allonger un peu la séance afin d'achever. Tout à coup, je vois mes bêtes hérisser leurs vêtements poilus. Je vois le frémissement et l'effroi tout ensemble qui font arrêter là ma paire et chauvir les oreilles. Moi, je voyais double, je voyais les herbes de la jachère se pencher vers le sol en se décolorant. Je touche mes bêtes. La baillarde, avec un air triste, me regarde, mais ne remue pas. Fallait flairer l'arête du sillon. Un coup de fouet cingle les jarrets. Ils partent effarés. L'âge, un âge d'orme, éclate. Ils emportent la flèche et le joug. Et, pâle, oppressé, à moi, il m'a pris comme une épilepsie. Une convulsion involontaire a fait grincer ma mâchoire. Un frisson me vient, et sur mes chairs consternées et sur ma tête ébouriffée comme les têtes des chardons, j'ai senti la mort passer comme un vent. « Bonne mère de Dieu, couvre de ton manteau ma belle enfant !» s'écria la pauvre mère d'un cri désolé. À genoux, elle est tombée là, et vers les nues, elle ouvre encore la bouche. Voici qu'arrive à grandes enjambées le chef Anthelme, pâtre et trayeur de lait. Qu'avait-elle donc si matinale pour hanter ainsi les taillis-de-cade ? Dit le chef Anthelme en entrant au conseil. Nous étions, nous, enfermés dans nos clés, en train de traire nos brebis, et, au-dessus des vastes plaines caillouteuses, les étoiles de Dieu clouaient le ciel. Une âme, une ombre légère, un spectre frôle le parc. De frayeur restent muets les chiens, se pelotonne le troupeau. Si tu es bonne âme, parle-moi donc, si tu es mauvaise, retourne aux flammes, pensais-je en moi-même. À Notre-Dame, maître, je n'ai pas loisir d'entamer un ave. Avec moi, ô Sainte-Marie, nul ne veut venir d'entre les bergers ? Une voix connue alors crie. Et ensuite, tout disparaît dans la lande. Le croirez-vous, ô notre maître, c'était Mireille. Se peut-il ? Tout le monde à la fois pour l'or dit sur le champ. Mireille, continua le pâtre, je l'ai vue à la clarté des astres, je l'ai vue, vous dis-je, et elle a filé devant moi. Je l'ai vue, non plus telle qu'elle était, mais dans sa figure triste et sauvage, on connaissait que, sur la terre, un cuisant déplaisir lui donnait l'élan. À la fatale nouvelle, dans leurs mains terreuses, les hommes en gémissant frappèrent à la fois. « Ô sainte, menez-moi vite, gars !» s'écrie la pauvre mère. « Je veux, où qu'il aille, où qu'il vole, suivre mon oisillon, mon perdreau des champs pierreux. Si les fourmis l'attaquent, jusqu'à la dernière, mes dents qui broient, mangeront, broieront fourmis et fourmilières. » Si l'avare mort décharnée la voulait tordre, moi seul, j'ébrécherai sa faux usée, et pendant ce temps, tu fuiras à travers les jonchers. » Et par les champs, Jeanne-Marie, que l'appréhension égare, semait en courant ses folles invectives. « Charretier, tente la charrette, oint les cieux, mouille les cercles des moyeux, et promptement attelle la mourette, car il est tard, disait le maître, et nous avons un long trajet. » Et sur le char retentissant, Jeanne-Marie monte, et l'air s'emplissait plus que jamais de transports délirants et plaintifs. Ma belle mignonne, Pierret, lande de crocs, vaste plage saline, à ma fille qui languit, et toi aussi, grand soleil, soyez bienveillant. Mais l'abominable matrone qui attira dans son antre mon enfant et à coup sûr lui a versé, lui a fait avaler ses philtres et ses poisons, ta veine, que tous les démons qui épouvantèrent Saint-Antoine sur les roches des Baux aillent te traîner. Dans les chaos de la charrette se perd la voix de la malheureuse. Et les hommes du mas, en examinant si personne n'apparaissait dans la croix lointaine, lentement retournaient au travail. Heureux, entre les allées dont les arbres se joignent, les essaims de moucherons tourbillonnant au frais. Chant dixième. La Camargue. Depuis Arles jusqu'à Vence, gens de Provence, écoutez-moi. Si vous trouvez qu'il fait chaud, amis, tous ensemble, sur la berge des Durensols, allons nous reposer, et de Marseille à Valensole, que l'on chante Mireille et que l'on plaigne Vincent. La petite nacelle fendait l'eau sans plus de bruit qu'une sole. Le petit Andrelon conduisait la nacelle, et l'amante que j'ai chantée avec Andrelon s'était aventurée sur le vaste Rhône, et, assise, elle contemplait les ondes d'un regard nébuleux. Et lui disait l'enfant rameur, « Vois comme est large dans son lit le Rhône. Jeune fille, entre Camargue et Croc, il se ferait de belles joutes, car cette île, c'est la Camargue, et au loin tellement elle s'étend que du fleuve arlésien, elle voit béer les sept embouchures. » Comme il parlait, dans le Rhône tout resplendissant des reflets roses, que déjà le matin y épandait, lentement montaient des tartanes. Des voilures, le vent de mer gonflant la toile, les poussait devant lui, comme une bergère un troupeau d'agneaux blancs. Ô magnifiques ombrages, des frênes, des peupliers blancs gigantesques miraient, débordent leurs troncs blanchâtres. Des lambrusques antiques, tortueuses, y enroulaient leurs lianes, et du faîte des branches fortes laissaient pendiller leurs moissines noueuses. Le Rhône, avec ses ondes fatiguées et dormantes et tranquilles, passait. Et, regrettant le palais d'Avignon, les farandoles et les symphonies, comme un grand vieillard qui agonise, il semblait tout mélancolique d'aller perdre à la mer et ses eaux et son nom. Mais l'amante que j'ai chantée avait sauté sur le rivage. « Marche !» le petit lui criait, « tant que tu trouveras du chemin. Les saintes, à leur chapelle miraculeuse, tout droit te conduiront. » Il saisit, cela dit, ses deux rames et tourne la nacelle. Sous les feux que juin verse, comme l'éclair, Mireille court et court et court. De soleil en soleil et de vent en vent, elle voit une plaine immense, des savanes qui n'ont à l'œil ni fin ni terme, de loin en loin et pour toute végétation, de rares tamaris et la mer qui paraît. Des tamaris, des prêles, des salicornes, des arroches, des soudes, amères prairies des plages marines, où errent les taureaux noirs et les chevaux blancs. Joyeux, ils peuvent, là, librement suivre la brise de mer tout imprégnée d'embrun. La voûte bleue où plane le soleil s'épanouissait, profonde, brillante, couronnant les marais de son vaste contour. Dans le lointain clair, parfois un goéland vole. Parfois, un grand oiseau projette son ombre, ermite aux longues jambes des étangs d'alentour. C'est un chevalier aux pieds rouges, ou un biaureau qui regarde farouche et dresse fièrement sa noble aigrette, faite de trois longues plumes blanches. Déjà, cependant, la chaleur énerve. Pour s'alléger, de ses hanches, la jeune fille dégage les bouts de son fichu. Et la chaleur, de plus en plus vive, de plus en plus devient ardente. Et du soleil qui monte au zénith du ciel pur. Du grand soleil, les rayons et le hâle pleuvent à verse comme une giboulée. Tel un lion, dans la faim qui le tourmente, dévore du regard les déserts abyssins. Sous un être qu'il ferait bon s'étendre, le blond rayonnement du soleil qui scintille, simule des essaims furieux, des essaims de guêpes qui volent, montent, descendent et tremblotent comme des lames qui s'aiguisent, la pèlerine d'amour que la lassitude brise et que la chaleur essouffle, de sa casaque ronde et pleine à ôter l'épingle, et son sein agité comme deux ondes jumelles dans une limpide fontaine ressemble à ces campanules qui, au rivage de la mer, étalent en été leur blancheur. Mais peu à peu, devant sa vue, le pays perd sa tristesse. Et voici peu à peu qu'au loin se meut et resplendit un grand lac d'eau. Les filiréas, les pourpriers, autour de la lande qui se liquéfie, grandissent et se font un molle chapeau d'ombre. C'était une vue céleste, un rêve frais de terre promise. Le long de l'eau bleue, une ville bientôt, au loin s'élève, avec ses boulevards, sa muraille forte qui la ceint, ses fontaines, ses églises, ses toitures, ses clochers allongés qui croissent au soleil. Des bâtiments et des pinelles avec leurs voiles blanches entraient dans la darse, et le vent qui était doux faisait jouer sur les pommettes, les banderoles et les flammes. Mireille, avec sa main légère, essuya de son front les gouttes abondantes. Et, à pareille vue, elle pensa, mon Dieu, crier miracle, et de courir, croyant que là était la tombe sainte des maris. Mais plus elle court, plus change l'illusion qui l'éblouit, et plus le clair tableau s'éloigne et se fait suivre. Œuvre vaine, subtile, ailée, le fantastique l'avait filée avec un rayon de soleil teinte avec les couleurs des nuages. Sa trame faible finit par trembler, devient trouble et se dissipe comme un brouillard. Mireille reste seule et ébahie à la chaleur. Et en avant dans les monceaux de sable, brûlant, mouvant, odieux, et en avant dans la grande sangsuire, à la croûte de sel que le soleil boursoufle et lustre et qui craque et éblouit, et en avant dans les hautes herbes paludéennes, les roseaux, les souchets, asile des cousins. Avec Vincent dans la pensée, cependant, depuis longtemps, elle côtoyait toujours la plage reculée du Vacarès. Déjà, déjà, des grandes saintes, elle voyait l'église blonde, dans la mer lointaine et clapoteuse, croître comme un vaisseau qui cingle vers le rivage. De l'implacable soleil, tout à coup, la brûlante échappée lui lance dans le front ses aiguillons. La voilà, infortunée, qui s'affaisse, et qui, le long de la mer sereine, tombe, frappée à mort sur le sable. Ô crocs, ta fleur est tombée. Ô jeunes hommes, pleurez-la. Quand le chasseur de la vallée, le long d'un ruisseau, aperçoit des colombes qui boivent, innocentes, et qui lissent leurs plumes. Vite, à travers les buissons, avec son arme, il vient ardent. Et toujours celle qu'il perce de ses plombs est la plus belle. Ainsi agit le dur soleil. La malheureuse était renversée sur la dune, évanouie. Par hasard, sur ses bords, passa un essaim de moustiques. Et la voyant qui râlait, et sa blanche poitrine palpitante, et contre la réverbération qui la brûle, pas un brin de morvin qui vienne la couvrir. Plaintivement, les moucherons faisaient violon de leurs petites ailes, et bourdonnaient. « Vite, jolie, lève-toi, lève-toi vite, car trop maligne est la chaleur du marais salin. » Et il piquait sa tête penchée. Et la mer, en même temps, de ses fines gouttelettes, contre les flammes de son visage, jetait la rosée amère. Mireille se leva, dolente et gémissant. « Aïe de ma tête !» À pas lents se traîna la jeune fille. Et de salicornes en salicornes, aux saintes de la mer, elle vint, chancelante. Et avec des pleurs dans ses paupières, contre les dalles de la chapelle que le gouffre marin mouille de son infiltration, elle frappe sa tête infortunée, et sur les ailes de la brise, cependant, voici comme sa prière au ciel s'en allait en soupir. Ô Sainte Marie, qui pouvez en fleurs changer nos larmes, inclinez vite l'oreille devers ma douleur. Quand vous verrez, hélas, mon tourment et mon souci, vous viendrez de mon côté avec pitié. Je suis une pauvre fille qui aime un jouvenceau, le beau Vincent. Je l'aime, chère sainte, de tout mon cœur. Je l'aime, comme le ruisseau aime de couler, comme l'oiseau dru aime de voler. Et l'on veut que j'éteigne ce feu nourri qui ne veut pas mourir. Et l'on veut que je torde l'amandier fleuri. Ô sainte Marie, qui pouvez en fleurs changer nos larmes, inclinez vite l'oreille devant ma douleur. De loin je suis venue chercher ici la paix. Ni crocs, ni landes, ni mer émue qui arrêtent mes pas. Et du soleil qui darde avec ses clous et ses épines, je sens les élancements qui poignent mon cerveau. Mais vous pouvez me croire, donnez-moi Vincent, et gais et souriant, nous viendrons vous revoir tous deux ensemble. Le déchirement de mes tempes alors cessera, et d'un torrent de larmes, mon regard maintenant inondé, luira de joie. Mon père s'oppose à cet accord. De toucher son cœur, ce vous est peu de chose, belle sainte d'or. Bien que dure soit l'olive, le vent qui souffle à l'avant néanmoins la mûrit au point qui convient. La nèfle, la corme si acerbe quand on les cueille qu'elles font tressaillir, c'est assez d'un peu d'herbe pour les ramollir. Ô sainte Marie, qui pouvez en fleurs changer nos larmes, inclinez vite l'oreille devant ma douleur. Ai-je des éblouissements? Qu'est-ce? Le paradis? L'église grandit, un gouffre d'étoiles là-haut se répand. Ô moi, bienheureuse, les saintes, mon Dieu, dans l'air sans nuages, descendent radieuses, descendent vers moi. Ô belle patronne, c'est vous, est-ce bien réel? Cachez les rayons de vos couronnes, ou moi je mourrai. Votre voix m'appelle. Que ne vous voilez-vous d'un nuage, car mes yeux sont là? Où est la chapelle? Sainte, vous me parlez? Et dans l'extase qui l'emporte, haletante, à demi-morte, Mireille, à genoux, était là sur les dalles, les bras en l'air, la tête en arrière, et dans les portes de Saint-Pierre, ses yeux fixes paraissaient voir l'autre monde à travers le voile de chair. Elle a ses lèvres muettes, son beau visage se transfigure, et son âme et son corps, dans la contemplation, nagent ravis. Dans l'aurore qui couronne d'or le front des peupliers blancs, ainsi pâlit et se dérobe la lampe qui veillait un homme en perdition. Trois femmes de beauté divine, par un sentier de fines étoiles, descendaient du ciel. Et comme, au lever du jour, un troupeau se disperse, les hauts piliers de la chapelle, avec l'arceau qui en soutient la voûte, pour leur ouvrir chemin, s'écartaient devant elles. Et, blanches dans l'air limpide, les trois Maries lumineuses descendaient du ciel. L'une, contre son sein, tenait serré un vase d'albâtre. Et, dans les nuits sereines, l'astre qui doucement éclaire les bergers peut seul rappeler son front paradisien. Au jeu du vent, la seconde laisse aller ses blondes tresses et chemine modeste une palme à la main. La troisième, jeunette encore, de sa blanche mantille claire cachait un peu son brun visage, et ses noires prunelles luisaient plus que diamants. Vers la dolente, quand elles furent, au-dessus d'elle, elles se tinrent, immobiles, et elles lui parlaient. Si doux et clair étaient leurs dires, et leurs sourires si affables, que les épines du martyr fleurissaient dans Mireille en charmes abondants. Console-toi, pauvre Mireille, nous sommes les maris de Judée. Console-toi, disait-elle, nous sommes les saintes des beaux. Console-toi, nous sommes les patronnes de l'esquif qu'entoure le fracas de la mer furieuse, et la mer, à notre aspect, retombe vite au calme. Mais que ta vue là-haut s'attache, vois-tu le chemin de Saint-Jacques? Tantôt nous y étions ensemble, là-bas, à l'autre extrémité. Nous regardions dans les étoiles les processions fidèles qui vont en pèlerinage à Compostelle, prier sur son tombeau notre fils et neveu. Et nous écoutions les litanies, et le murmure des fontaines, le branle des cloches et le déclin du jour, et les pèlerins par les champs, tout rendait gloire de concert à l'apôtre de l'Espagne, notre fils et neveu, Saint-Jacques le Majeur. Et, bienheureuse de la gloire qui remontait à son souvenir, sur le front des pèlerins nous épandions la rosée du serein, et dans leur âme nous versions joie et calme. Poignante comme des jets de flamme, c'est alors que vers nous ont monté tes plaintes. Ô jeune fille, ta foi est des grandes, mais que tes demandes nous pèsent. Tu veux boire, insensé, aux fontaines de l'amour pur. Insensé, avant la mort, tu veux essayer la forte vie qui en Dieu lui-même nous transporte. Depuis quand as-tu là-bas rencontré le bonheur? L'as-tu vu dans l'homme riche? Bouffi, couché nonchalamment dans son triomphe, il nie Dieu dans son cœur et tient tout le chemin. Mais la sangsue, quand elle est pleine, tombe. Et que fera-t-il de sa bouffissure lorsqu'il se verra devant le juge qui, dans Jérusalem, entrait sur un ânon? L'as-tu vu au front de la couchée, quand de son lait tout ému, elle tend le premier jet à son petit enfant? C'est assez d'un trait de mauvais lait, et sur le berceau découvert, regarde-la, ne se possédant plus, qui couvre de baisers son pauvre petit, mort. L'as-tu vu au front de la fiancée, lorsqu'à pas lents dans le sentier, elle cheminait à l'église avec son fiancé? Va, pour le couple qui le foule, ce sentier-là a plus d'épines que le prunelier de la lande, car tout n'est là-bas qu'épreuves et longs labeurs. Et là-bas, la plus claire des ondes, quand tu l'as bu, devient ta mère. Là-bas naît le ver avec le fruit nouveau, et tout tombe en ruine et tout en corruption. En vain choisis-tu sur la corbeille l'orange si douce au goût, à la longue du temps deviendra comme du fiel. Et telle te semble respirer dans votre monde qui soupire. Mais qui sera désireux de boire à une source intarissable, incorruptible, en souffrant qu'il se l'achète? Elle doit, la pierre, en morceaux être brisée, si l'on veut en extraire la paillette d'argent. Heureux donc qui prend les peines, et qui, en faisant le bien, s'épuise, et qui pleure en voyant pleurer les autres, et qui jette le manteau de ses épaules sur la pauvreté nue et pâle, et qui, avec l'humble, s'abaisse, et pour celui qui a froid, fait briller son foyer. Et le grand mot que l'homme oublie, le voici. La mort, c'est la vie. Et les simples, et les bons, et les doux, bienheureux, à la faveur d'un vent subtil, au ciel ils s'envoleront tranquilles, et quitteront, blancs comme des lys, un monde où les saints sont continuellement lapidés. Aussi, oh, si tu voyais, Mireille, des suprêmes hauteurs de l'empyrée, combien votre univers nous paraît souffreteux, et folles et misérables vos ardeurs pour la matière et vos peurs du cimetière. Ô infortuné, tu bêlerais la mort et le pardon. Mais avant que le blé monte en épi, dans la terre il faut qu'il fermente, c'est la loi. Et nous aussi, avant d'avoir des rayons, avons bu l'aigre breuvage. Et, afin que ton courage prenne haleine, de notre voyage, nous voulons te raconter les tribulations et les effrois. Et les trois saintes se turent. Et les vagues caressantes, pour écouter, couraient le long du rivage à troupeaux. les bois de pins firent signe à l'aunay. Et les goélands et les sarcelles virent l'immense Vacarès abattre ses flots. Et le soleil et la lune, dans le lointain des marécages, adorèrent, inclinant leur large front cramoisi. Et la Camargue, imprégnée de sel, tressaillit. Les bienheureuses, pour donner des forces à l'amante, au bout d'un moment, commencèrent ainsi. Chant onzième. Les Saintes. L'arbre de la croix, ô Mireille, sur la montagne de Judée était encore planté. Debout sur Jérusalem, et du sang de Dieu encore humide, il criait à la cité du crime, endormie là-bas dans l'abîme, « Qu'en as-tu fait? Qu'en as-tu fait du roi de Bethléem ?» Et des rues apaisées ne montaient plus les grandes clameurs. Le cédron seul se lamentait au loin, et le Jourdain, mélancolique, allait se cacher aux solitudes pour dégonfler ses plaintes à l'ombre des lanstiques et des verts térébintes. Et le pauvre peuple était triste, car il voyait bien que celui-là était son Christ, qui, de la tombe haussant le couvercle, à ses compagnons, à ses disciples, était revenu se montrer, et puis, laissant les clés à Pierre, c'était comme un aiglon enlevé dans le ciel. Ah, on le plaignait dans la Judée, le beau charpentier galiléen, le charpentier aux cheveux blonds qui apprivoisait les cœurs avec le miel des paraboles, et qui, avec largesse, sur les collines, nourrissait la foule de pain azyme et touchait ses lépreux et ressuscitait ses morts. Mais les docteurs, les rois, les prêtres, la horde entière des vendeurs que de son temple saint le maître avait chassé, qui retiendra la multitude, se murmurèrent-ils à l'oreille, si dans Sion et Samarie la lumière de la croix n'est promptement éteinte. Alors les rages s'irritèrent et les martyrs témoignèrent. Alors l'un, tel qu'Étienne, était lapidé vif, Jacques expiré par l'épée, d'autres écrasés sous un bloc de pierre. Mais, sous le fer ou dans la braise, tous criaient en mourant « Oui, Jésus est fils de Dieu !» Nous, les sœurs et les frères, qui le suivions par tout pays, sur un méchant navire, aux fureurs de la mer, sans voiles et sans rames, fûmes chassés. Les femmes, nous versions un ruisseau de larmes. Les hommes, vers le ciel portaient leurs regards. Déjà, déjà, nous voyons fuir bois d'oliviers, palais et tours. Nous voyons, du haut Carmel, les crêtes et les déchirures, au lointain bossuer l'horizon. Tout à coup, un cri nous arrive. Nous nous retournons, et sur la plage, nous voyons une jeune fille. Elle élevait ses bras en nous criant tout ardente. « Oh, emmenez-moi dans la batelée, maîtresse, emmenez-moi ! Pour Jésus, moi aussi, je veux mourir de mort amère !» C'était notre servante Sarah. Et dans le ciel, tu la vois maintenant, avec une auréole comme une aube d'avril. Loin de là, l'Aquilon nous entraîne. Mais Salomé, que Dieu inspire, aux vagues de la mer a jeté son voile. Ô puissante foi ! Sur l'onde qui sautille, blonde et bleue, la jeune fille, sans s'engloutir, vint du rivage à notre vaisseau frêle. Et l'Aquilon l'a poussée, et le voile l'a portée. Lorsque pourtant, dans la brume éloignée, nous vîmes, cime à cime, disparaître le doux pays, et la mer croître, il faut l'éprouver pour la connaître, la nostalgie profonde qu'alors nous ressentîmes. Adieu, adieu, terre sacrée. Adieu, Judée vouée au malheur, qui pourchasse tes justes et crucifie ton Dieu. Maintenant, tes vignes et tes dattes, des fauves lions seront le pâturage, et tes murailles le repère des hideux serpents. Adieu, patrie, adieu, adieu. Un coup de vent tempétueux, sur la mer effrayante, chassait le bateau. Martial et Saturnin sont agenouillés sur la poupe. Pensif, dans son manteau, le vieux Trophime s'enveloppe. Auprès de lui était assis l'évêque Maximin. Debout sur le tillac, ce Lazare, qui de la tombe et du suaire avait encore gardé la mortelle pâleur, semble affronter le gouffre qui gronde. Avec lui, la nef perdue emmène Marthe sa sœur et Madeleine, couchée en un coin et pleurant sa douleur. La nef que poussent les démons conduit Eutrope, conduit Sidoine, Joseph d'Arimathie et Marcel et Cléon. Et, appuyé sur les tollés, au silence du royaume bleu, il faisait ouïr le chant des psaumes. Et nous répétions ensemble « Laudamus te Deum ». Oh, dans les eaux scintillantes, comme courait la nacelle! Il nous semblait encore voir ces souffles tournoyants qui retordaient en tourbillon l'embrun de l'abîme, puis, en colonnes légères, s'évanouissaient au loin comme des esprits. Le soleil montait de la mer et se couchait dans la mer. Et toujours errant sur la vaste plaine salée, toujours nous allions au gré du vent. Mais des écueils Dieu nous garde, car dans ses vues il nous réserve pour amener à sa loi les peuples provençaux. Un matin, sur tous les autres, le temps était calme. Devant nous, nous voyons fuir la nuit avec sa lampe à la main, comme une veuve matinale qui va au four cuire sa rangée de pain. L'onde, aplanie comme une aire, du bateau battait à peine les madriers. Des profondeurs de l'horizon naît, se gonfle et porte l'horreur dans l'âme et gronde un bruit inconnu, un mugissement sombre qui nous pénètre les moelles et de plus en plus hurle et gémit. Nous restâmes muets. La vue seule, aussi loin qu'elle pouvait aller, guettait les flots. Et sur la mer qui se blottissait d'effroi, la rafale se rapprochait, rapide, formidable. Et mortes autour de nous étaient les vagues. Et, noir présage, comme immobilisée par un charme, elle tenait la barque. Au loin, soudain, se dresse une montagne d'eau effrayante de hauteur. De sombres nuages couronnés, la mer entière amoncelée, en soufflant et beuglant, ô Seigneur, à la course fondée sur nous. Subitement, un coup de mer nous précipite au fond d'un gouffre et nous rejette à la pointe des vagues, épouvantés, mourants. Quelle transe, quel bouleversement! De longs éclairs fendent l'obscurité et, coup sur coup, éclatent d'épouvantables tonnerres et tout l'enfer se déchaîne pour engloutir notre carène. La tourmente siffle, gronde et contre le pont bat nos fronts. Sur le dos de ces houles, tantôt la mer nous hisse, tantôt dans la profondeur des noirs abîmes où errent les pans de mer, les phoques et les grands requins, nous allons entendre la lamentable plainte des noyés que l'onde balaie, hélas. Nous nous vîmes perdus. Sur nos têtes se renverse une grande vague quand Lazare « Mon Dieu, serre-nous de Timon. Tu m'as arraché une fois du tombeau. Aide-nous, la barque tombe !» Comme l'essor du ramier, son cri fend l'orage et vole dans les cieux. Du haut palais où il triomphe, Jésus l'a vu. Sur la mer gonflée, Jésus voit son ami qui, un moment de plus, va être enseveli sous le flot. Ses yeux, avec une pitié profonde, nous contemplent. Soudain jaillit, à travers la tempête, un long rayon de soleil. Alléluia! Sur l'eau amère, nous montons et descendons encore, et ruisselant et harassés, nous vomissons l'amertume. En même temps, les effrois partent, les lames fières se dispersent, les nuées au lointain se dissipent. La terre verdoyante éclot de l'éclaircie. Longtemps, avec des chocs affreux, nous ballottent les vagues. Puis elles se courbent enfin devant la mince nef, sous un souffle qui les calme. La mince nef, comme un colimbe, scie entre les brisants et troue de larges flocons d'écume avec sa quille. Contre une rive sans roche, alléluia, la barque touche. Sur la reine humide, là nous nous prosternons et nous écrions tous. Nos têtes que tu as arrachées à la tempête, jusque sous le glaive, les voici prêtes à proclamer ta loi, ô Christ, nous le jurons. À ce nom, de joie, la noble terre de Provence paraît secouée. À ce cri nouveau, et la forêt et la lande ont tressailli dans tout leur être, comme un chien qui, sentant son maître, court au-devant de lui et lui fait fête. La mer avait jeté des coquillages. Pater noster, qui es in celis. À notre longue faim, tu envoyas un festin. À notre soif, parmi les salicornes, tu fis naître une fontaine. Et miraculeuse, et limpide, et saine, elle jaillit encore dans l'église où sont nos eaux. Plein de la foi qui nous brûle, du Rhône nous prenons aussitôt la berge. De marais en marais nous marchons au hasard. Et puis, joyeux, dans le terroir, nous trouvons la trace de la charrue. Et puis, au loin, des empereurs, nous voyons les tours d'Arles arborer l'étendard. À cette heure, tu es moissonneuse, Arles, et couchée sur ton air, tu rêves avec amour de tes gloires anciennes. Mais tu étais reine alors, et mère d'un si beau peuple de rameurs, que, de ton port, le vent mugissant ne pouvait traverser l'immense flotte. Rome à neuf t'avait vêtue en pierre blanche bien bâtie. De tes grandes arènes, elle avait mis à ton front les 120 portes. Tu avais ton cirque. Tu avais, princesse de l'Empire, pour distraire tes caprices, les pompeux aqueducs, le théâtre et l'hippodrome. Nous entrons dans la cité. La foule, au théâtre, montait en farandole. Nous montons avec elle. Au milieu des palais, à l'ombre des temples de marbre, s'élançait le peuple avide, comme quand rugit dans les ravins une averse de pluie à l'ombre des érables. Ô malédiction, ô honte, au son langoureux de la lyre, sur le podium du théâtre, la poitrine nue, un vol de jeunes filles tournoyées, et sur un refrain que répétaient en chœur leurs voix stridentes, en danses ardentes elles se tordaient autour d'un bloc de marbre qu'elles nommaient Vénus. La populaire ivresse leur jetait ses clameurs. Jeunes filles et jeunes hommes répétaient « Chantons, chantons Vénus, la grande déesse de qui toute allégresse vient. Chantons Vénus, la souveraine, la mère de la terre et du peuple arlésien. » Le front haut, la narine ouverte, l'idole couronnée de myrte, dans les nuages d'encens paraissait s'enfler d'orgueil. Lorsque, indigné de tant d'audace, interrompant, écrit et danse, le vieux Trophime qui s'élance, en levant ses deux bras sur la foule stupéfaite, d'une voix forte. Peuple d'Arles, écoute, écoute mes paroles, écoute au nom du Christ. Il n'en dit pas davantage. Au froncement de son grand sourcil, voilà l'idole qui chancelle, gémit, et du piédestal se précipite. Avec lui, les danseuses sont tombées d'effroi. Il n'y a qu'un cri, on n'entend que hurlement. Dans les portails, des cohues s'engouffrent, et dans Arles répandent l'épouvante. Les patriciens arrachent leurs couronnes, les jeunes hommes furieux, en criant « Sus !» nous entourent. Dans l'air, mille poignards luisent d'un seul élan. Pourtant, sur nos vêtements, le sel figé, de Trophime, le front serein comme encerclé de clarté sainte, et plus belle que leur Vénus transie, la Madeleine voilée d'un nuage de larmes, tout cela, un instant, les fit reculer. Mais alors Trophime, « Arlésiens, écoutez mes paroles !» leur cria-t-il de rechef. « Après, vous me hacherez. Peuple arlésien, tu viens de voir ton Dieu se briser comme verre au nom du mien. » N'attribue point à ma voix ce pouvoir. Nous, nous ne sommes rien. Le Dieu qui a brisé ton idole n'a point de temple sur la colline. Mais le jour et la nuit ne voient que lui là-haut. Sa main sévère pour le crime est généreuse à la prière. Lui seul a fait la terre, lui seul a fait le ciel et la mer et les monts. Un jour, de sa haute demeure, il a vu son bien dévoré des chenilles. il a vu l'esclave boire ses pleurs et sa haine, et jamais personne qui le console. Il a vu le mal en robe sacerdotale sur les autels tenir école. Tes filles, il les a vues courir à l'affront des libertins. Et pour laver telles immondices, pour mettre fin au long supplice de la race humaine attachée aux piliers, il a envoyé son fils, nu et pauvre, doré d'aucun rayon. Son fils est descendu, sans clore dans le sein d'une vierge. Il est né sur du chaume. Ô peuple d'Arles, pénitence! Compagnons de sa vie, nous pouvons affirmer ses miracles. Aux lointaines contrées où coule le blond Jourdain, au milieu d'une foule en haillons et affamée, nous l'avons vu dans sa blanche robe de lin. Et il nous disait qu'entre nous, il fallait s'aimer les uns les autres. Il nous parlait de Dieu, tout bon, tout puissant, et du royaume de son Père, qui ne sera point pour les trompeurs, pour les hautains, pour les usurpateurs, mais bien pour les petits, les simples, ceux qui pleurent. Et sa doctrine, il l'a testée en marchant sur la mer. Les malades, d'un regard, d'un mot, il les guérissait. Les morts, malgré le sombre rempart, sont revenus. Voilà Lazare qui pourrissait dans le suaire. Mais pour ses seuls motifs, enflés de jalousie, les rois de la nation juive l'ont pris, l'ont conduit sur une colline, cloué sur un tronc d'arbre, abreuvé d'amertume, ont couvert sa sainte face de crachats, et puis l'ont élevé dans l'espace en le raillant. Grâce, grâce, éclata tout le peuple, étouffé de sanglots. Grâce pour nous, que faut-il faire pour désarmer le bras du Père? Parle, homme divin, parle! Et si c'est du sang qu'il veut, nous lui offrirons sans sacrifice. Immolez-lui vos délices, immolez votre fin de vice, répondit le saint en se jetant par terre. Non, Seigneur, ce qui te plaît, ce n'est point l'odeur d'une tuerie, ni les temples de pierre. Tu aimes bien mieux le morceau de pain que l'on présente à l'affamé, où la jeune vierge qui vient à Dieu, douce et craintive, offrir sa chasteté comme une fleur de mai. Des lèvres du grand apôtre ainsi coula comme une huile sainte la parole de Dieu. Et pleurs de ruisselets, et malades et pauvres travailleurs de baiser sa robe, et les idoles de toutes parts sur les degrés des temples alors de rouler. En même temps, en témoignage, l'aveugle né qui était Sidoine montrait aux Arlésiens ses prunelles nettoyées. À d'autres, Maximin raconte le crucifié qui ressuscite, le repentir qui est nécessaire. Arles, ce même jour, se fit baptiser. Mais, tel qu'un vent qui balaie devant lui un feu des mondes, nous sentons l'Esprit de Dieu qui nous pousse. Et voici, comme nous partions, une ambassade qui, à nos pieds, tombe empressée en nous disant « Un instant, étranger du Dieu bon, veuillez bien nous entendre. Au bruit de vos grandes merveilles et de vos nouveaux oracles, à vos pieds nous envoie notre cité malheureuse. Nous sommes morts sur nos jambes, avides de sang humain et de cadavres, dans nos bois et nos ravins, un monstre, un fléau des dieux erre. Ayez pitié !» La bête a la queue d'un dragon, des yeux plus rouges que cinabre, sur le dos des écailles et des dards qui font peur. D'un grand lion, elle porte le mufle. Elle a 6 pieds humains pour mieux courir. Dans sa caverne, sous un roc qui domine le Rhône, elle emporte ce qu'elle peut. Tous les jours, nos pêcheurs s'éclaircissent de plus en plus, hélas, et les Tarasconnais se prennent à pleurer. Mais sans retard ni hésitation, Marthe s'écrie « Avec Marcel, moi, j'irai. Le cœur me bat de courir à ce peuple et de le délivrer. » Pour la dernière fois sur la terre, nous nous embrassons avec l'espoir de nous revoir au ciel et nous nous séparons. Limoges eut Martial, Toulouse devint l'épouse de Saturnin, et dans Orange la Pompeuse, Eutrope le premier sema le bon grain. Mais toi, Où vas-tu, douce vierge? Avec une croix, avec un aspersoir, Marthe, d'un air serein, marchait droite à la tarasque. Les barbares, ne pouvant croire qu'elle se défende, pour regarder le combat insigne, étaient montés en foule sur les pins du lieu. Éveillée en sursaut, harcelée sur sa litière, eusses-tu vu bondir le monstre? Mais sous l'onde éceinte, vainement il se tord, en vain il grogne, siffle et souffle. Marthe, avec une mince laisse de mousse, l'enlace, l'amène s'ébrouant. Le peuple entier court l'adorer. « Es-tu la chasseresse Diane ? » disait-il à la jeune chrétienne, « ou Minerve, la chasse et la forte ?»« Non, non, leur répondit la jeune fille, « je ne suis de mon Dieu que la servante. » Et aussitôt elle les instruit, et avec elle, devant Dieu, ils fléchirent le genou. De sa parole virginale, elle frappa la roche avignonnaise. Et la foi, tellement à belles ondes jaillit, que les Cléments et les Grégoire, plus tard, avec leurs coupes saintes, viendront y puiser. Pour sa gloire, Rome là-bas, 70 années trembla. Cependant, de la Provence déjà, s'élevait un chant de renaissance qui réjouissait Dieu. N'as-tu pas remarqué, dès qu'il a plu une goutte de pluie, comme tout arbre et toute végétation relèvent vite leur feuillage gai? Ainsi, tout cœur brûlant courait se rafraîchir. Toi-même, altière Marseille, qui sur la mer ouvre tes cils, et dont rien du spectacle de ta mère ne peut distraire l'œil, et qui, en dépit des vents contraires, ne songe qu'alors, dans tes murailles, à la parole de Lazare, tu abaissas ta vue, et tu vis ta nuit. Et dans l'Uvonne, qui s'alimente avec les pleurs de Madeleine, tu lavas devant Dieu ta hideuse immondicité. Aujourd'hui, tu dresses la tête de nouveau. Avant que la tempête ne souffle, souviens-toi au milieu de tes fêtes que les pleurs de Madeleine baignent tes oliviers. Collines d'Aix, crêtes abruptes, de la Sambuque, vieux Genièvre, grand pin qui vêtissait les escarpements de l'Estérel, vous, Morvins de la Trévaresse, redites-nous de quelle joie vos vallées furent prises quand passa Maximin portant la croix avec lui. Mais dans l'éloignement, la vois-tu, celle qui, ses bras blancs serrés contre elle, prit au fond d'une grotte? Ah, pauvre infortunée, ses genoux se meurtrissent à la roche dure, et elle n'a pour tout vêtement que sa blonde chevelure. Et la lune la veille avec son pâle flambeau. Et pour la voir dans la grotte, la forêt se penche et fait silence. Et des anges retenant le battement de leur cœur, l'épient par un interstice, et lorsque sur la pierre tombe en perles un de ses pleurs, en grande hâte ils vont le recueillir et le mettre en un calice d'or. Assez, assez, ô Madeleine! Le vent qui, dans le bois respire, t'apporte depuis 30 années le pardon du Seigneur. De tes pleurs, la roche elle-même pleurera éternellement. Et tes larmes, éternellement, sur tout amour de femme, comme un vent de neige, jetteront la blancheur. Mais du regret qui la consume, rien ne consolait la malheureuse. Ni les petits oiseaux, qui, en foule, au Saint-Pilon, pour être béni, nichait. Ni les anges qui l'enlevaient dans leurs bras et la berçaient 7 fois tous les jours dans l'air sur les vallons. À toi, Seigneur, à toi reviennent toutes louanges. À nous advienne de te voir à jamais dans ta splendeur entière et ta réalité. Pauvres femmes exilées, mais enivrées de ton amour, de ton éternelle irradiation, nous avons, nous aussi, épanché quelques rayons. Collines des beaux, alpines bleues, vos mornes, vos aiguilles, de votre prédication, dans tous les siècles, garderont la trace gravée dans la pierre. Aux solitudes paludéennes, au fond de l'île de Camargue, la mort nous allégea de nos jours de labeur. comme en tout ce qui tombe, l'oubli cacha bientôt nos tombeaux. La Provence chantait, et le temps courut. Et, de même qu'au Rhône la Durance perd à la fin son cours, le gai royaume de Provence, dans le sein de la France, à la fin s'endormit. France, avec toi conduis ta sœur, dit son dernier roi. Je meurs. Dirigez-vous ensemble vers l'avenir, à la grande tâche qui vous appelle. Tu es la forte, elle est la belle. Vous verrez la nuit rebelle fuir devant la splendeur de vos fronts réunis. René accomplit ce beau fait. Un soir qu'il sommeillait dans son lit de plumes, nous lui montrâmes le lieu où étaient nos ossements. Avec 12 évêques, avec ses pages, avec sa cour, ses équipages, le roi vint sur la grève et sous les salicornes trouva nos fosses. Adieu, Mireille, l'heure vole. Nous voyons la vie trembloter dans ton corps comme une lampe qui va s'éteindre. Avant que l'âme le quitte, partons, mes sœurs, partons en hâte. Vers les belles cimes, il est nécessaire que nous arrivions avant elles, nécessaire et urgent. Des roses, une robe de neige, préparons-lui. Vierge et martyre d'amour, la jeune fille va mourir. Fleurissez-vous, célestes avenues, sainte clarté de l'Empyrée, épanchez-vous devant Mireille. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Chant 12e. La mort. Au pays des oranges, à l'heure où le jour de Dieu s'évapore, lorsque les pêcheurs, ayant tendu leurs nasses, tirent leurs barques à l'abri des rochers, et que, laissant aller la branche, sur la tête ou sur la hanche, les jeunes filles, en s'entraidant, chargent leurs corbeilles pleines. Des rives où l'argent serpente, des plaines, des collines, des chemins, s'élève dans le lointain un long chœur de chansons. Mais bêlements de chèvres, chants d'amour, airs de chalumeaux, peu à peu dans les montagnes brunes se perdent, et vient l'ombre et la mélancolie. Des maris qui s'envolaient, ainsi les paroles s'éteignaient, s'éteignaient peu à peu, de nuées d'or en nuées d'or. Pareilles à un écho de cantique, pareilles à une musique éloignée, qui, au-dessus de l'église antique, s'en serait allée avec la brise. Elle, il semble qu'elle dort et qu'elle rêve agenouillée, et qu'un étrange rayonnement de soleil couronne son front de nouvelles beautés. Mais dans les landes et les jonchées, ses vieux parents l'ont tant cherchée qu'ils l'ont à la fin découverte. Et debout, sous le porche, ils regardent, stupéfaits. Ils prennent cependant de l'eau bénite, ils portent au front leurs mains mouillées. Sur la dalle sonore, la femme et le vieillard s'avancent dans l'église. Effrayés, comme un bruant qui tout à coup voit les chasseurs, « Mon Dieu ! S'écrie-t-elle. Père et mère, où allez-vous ? » Et voyant ce qu'elle voit, Mireille tombe là. Sa mère, le visage en larmes, accourt, et dans ses bras la saisit, et elle lui disait, « Qu'as-tu ? Ton front brûle ! Non, ce n'est point un songe qui m'abuse, c'est elle qui à mes pieds roule, c'est elle, c'est mon enfant !» Et elle pleurait, et elle riait. « Mireille, ma belle mignonne, c'est moi qui serre ta main, moi, ton père !» Et le vieillard, que la douleur suffoque, lui réchauffait ses mains inanimées. Déjà, cependant, le vent emporte la grande nouvelle. À plein portail, dans l'église, émue, s'assemblent les saintins. « Montez-la, montez-la, malade » disent-ils, « à la chapelle haute, montez-la sur le champ !» Qu'elle touche les saints eaux, dans leur chasse miraculeuse, qu'elle baise nos grandes saintes de ses lèvres agonisantes. Les femmes sur le champ la saisissent à deux. Dans la partie haute de la belle église sont trois autels, sont trois chapelles, bâties une sur l'autre, en blocs de rochers vifs. Dans la chapelle souterraine et Sainte Sarah, vénérait des bruns bohémiens. Plus élevée, la seconde renferme l'autel de Dieu. Sur les piliers du sanctuaire, l'étroite chapelle mortuaire des Maries élève sa voûte dans le ciel, avec les reliques, l'aigle sacré d'où la grâce coule en pluie. Quatre clés ferment les châsses de cyprès avec leurs couvercles. Une fois chaque 100 ans, on les ouvre. Heureux, heureux lorsqu'on les découvre, celui qui peut les voir et les toucher. Beau temps aura sa barque et bonne étoile, et de ses arbres les pousses auront du fruit à corbeiller, et son âme croyante aura les biens éternels. Une belle porte de chêne protège ce domaine sacré, richement travaillé et don des Beaucairois. Mais surtout ce qui le défend, ce n'est pas la porte qui le clôt, ce n'est pas le rempart qui le ceint, c'est la faveur qui lui vient des espaces d'azur. À la petite chapelle, dans l'escalier tournoyant, on monta la malade. Le prêtre, en surplis blanc, pousse la porte. Dans la poussière, comme un orge appesanti par ses épis qu'un tourbillon soudain secoue, tous sur les dalles se prosternent en criant « Ô belle sainte pleine d'humanité, sainte de Dieu, saintes amies, de cette pauvre fille, ayez pitié !»« Ayez pitié !» s'écrie la mère, « je vous apporterai, quand elle sera guérie, mon anneau d'or, ma croix fleurie, et par villes et par champs, moi j'irai le chanter !» Ô sainte, c'est là mon pluvier! Ô sainte, c'est là mon trésor! Gémit maître Ramon, heurtant dans les ténèbres avec sa belle tête vacillante. Ô sainte, à elle qui est belle, innocente, enfantine, la vie convient! Mais moi, vieil ossement, moi, envoyez-moi fumer les mauves! Les yeux fermés, sans parole, Mireille était gisante. C'était alors sur le tard. Pour que la brise des tamaris ravivât la campagnarde, sur les dalles du toit on l'avait déposée en vue de la mer. Car le portail, paupière de cette chapelle bénie, regarde sur l'église. Là-bas, dans l'extrême lointain, on voit de là la blanche limite qui joint ensemble et sépare le ciel rond et l'onde amère. On voit de la grande mer l'éternelle révolution. Sans cesse les vagues insensées qui se montent les unes sur les autres, jamais lasses de se perdre en mugissant dans les monceaux de sable. Du côté de la terre, une plaine interminable. Pas une éminence qui enseigne son horizon. Un ciel immense et clair sur des savanes prodigieuses. Des tamaris au feuillage clair et au moindre vent mobile, de longues friches de salicornes, et dans l'onde parfois une volée de cygnes qui se purifie, ou bien dans la sansouire stérile un troupeau de bœufs qui pâture ou qui passe à la nage l'eau du Vacarès. Mireille, enfin, d'une voix faible, a murmuré quelques mots vagues. « Du côté de la terre, dit-elle, et du côté de la mer, je sens venir deux haleines. L'une des deux est fraîche comme le souffle des matinées, mais l'autre est pantelante, ardente et imprégnée d'amertume. » Et elle se tut. De vers la plaine et de vers les ondes salées, les saintins aussitôt regardèrent venir. Et ils voient un jeune homme qui soulève des tourbillons de terre meuble devant ses pas. Les tamaris paraissent devant lui s'enfuir et décroître. C'est Vincent le Vanier. Ô pauvre gars et digne de pitié! Sitôt que son père, maître Ambroise, lui eut dit « Mon fils, il ne sera pas pour tes lèvres le gentil brin de Micocoul. » Sur le champ de Valabrègue, pour la voir encore une fois, il partit comme un bandit. En crocs, ils lui disent, « Elle est au sainte !» Rhône, marée, crocs fatigante, rien n'avait arrêté sa course jusqu'aux îlots sablonneux du rivage. Mais sitôt qu'il est dans l'église, sitôt qu'il voit cette foule, pâle, Sur les orteils il se dresse, et il criait « Où est-elle ? Indiquez-le-moi où elle est !» Elle est là-haut à la chapelle, tremblant l'agonie. Et vite, éperdu, monta le malheureux. Dès qu'il la vit vers l'étendue, il leva ses mains et son visage. « Pour essuyer telle disgrâce ! Adieu ! S'écria l'infortuné. Adieu ! Qu'ai-je donc fait ? Ai-je coupé la gorge à celle dont je tétais les mamelles ? Anathème ! M'a-t-on vu allumer ma pipe dans une église, à la lampe ? Ou bien traîner dans les chardons le crucifix comme les juifs ? Qu'ai-je fait, mauvaise année de Dieu, pour avoir tant de maux ? Ce n'était pas assez de me la refuser, encore ils me l'ont martyrisée. » Et il embrassa son ami. Et en voyant Vincent se lamenter de telle force, la foule pressée qui l'entourait sentait son cœur bondir, et ils partageaient sa peine, et ils pleuraient ensemble. Et comme, au ravin d'une vallée, le bruit d'un torrent qui tombe en cataracte va émouvoir le pâtre là-haut sur les crêtes, du fond de l'église montait la voix du peuple qui chantait, et tout le temple tressaillait du cantique si beau que savent les saintins. Ô sainte belle marinière qui avez choisi nos marécages pour y élever dans l'air la tour et les créneaux de votre église blonde, comment fera dans sa barque le marin quand la mer frappe, si promptement vous ne lui envoyez votre bonne brise ? Comment fera la pauvre femme aveugle, car il n'est sauge ni bugle qui puisse guérir son lamentable sort ? Et sans mot dire, tout le jour elle reste à repasser sa triste vie. Ô sainte, rendez-lui la vue, car l'ombre, et toujours l'ombre, c'est pire que la mort. Reine du paradis, maîtresse de la plaine d'amertume, vous comblez, quand il vous plaît, de poissons nos filets. Mais à la foule pécheresse qui, à votre porte, se lamente, ô blanche fleur de nos landes salées, si c'est la paix qu'il faut, de paix emplissez-la. Ainsi les bons saintins priaient, avec des cris qui vous navraient. Et voici que les saintes, à la pauvre qui gît, soufflèrent un peu de vigueur. Et sur sa figure un peu enjouée fleurit une douce joie, car la vue de Vincent fut pour elle un plaisir indicible. « Mon bel ami, d'où viens-tu ? » lui fit-elle. « Dis, te souvient-il de la fois que nous causions, là-bas, à la ferme, assis ensemble sous la treille ? Si quelque mal te déconcerte, cours vite au Sainte-Marie, me dis-tu alors. Tu auras vite du soulagement. Ô cher Vincent, que ne peux-tu voir dans mon cœur comme dans un verre ? De soulagement, mon cœur en surabonde. Mon cœur est une source qui déborde. Délices de toutes sortes, grâce, bonheur, j'en ai en surcroît. Des anges du bon Dieu, j'entrevois les cœurs. » Ensuite Mireille s'apaisait et regardait dans l'étendue. Elle semblait, au loin, dans les profondeurs de l'air bleu, voir des choses merveilleuses. Puis sa parole nuageuse recommençait. « Heureuse, heureuse, les âmes que la chair sur terre ne retient plus. Vincent, tu as vu, quand elle remontait, les flocons de lumière qu'elle jetait. Ah, le beau livre, dit-elle, qu'il s'en fût fait, si les paroles qu'elles m'ont dites, sans en oublier une, eussent été écrites. » Vincent, que l'envie de pleurer oppresse, dégonfla ses sanglots un moment étouffés. « Plût à Dieu que je les eusse vus, plût à Dieu, s'écria-t-il. Comme une tique, je me serais, à leur robe, cramponné tout beuglant. Oh, leur aurais-je dit, reine du ciel, seul asile qui nous reste, prenez-moi les yeux de la tête, et les dents de la bouche, et les doigts de la main. Mais elle, ma belle petite fée, oh, rendez-la-moi saine et sauve. » les voici venir dans leur robe de lin !» elle soudain se met à dire. Et, s'agitant pour se dégager du giron de sa mère, De la main vers la mer, elle faisait signe, au loin. Tous aussitôt se dressèrent. Tous vers la mer fixèrent leurs regards. Et la main sur le front. Au loin, nous ne découvrons, se disait-il, rien pour l'heure, si ce n'est là-bas la blanche limite qui joint le ciel et l'eau amère. Non, il ne se voit rien venir. Si, si, regardez bien. Elles sont sur une barque sans voile, s'écria Mireille. Devant elles, ne voyez-vous pas comme l'onde aplanit ses tourbillons? Oh, c'est bien elles, l'air est clair et la laine suave qui les amène, aussi lentement qu'elle peut, voltige. Les oiseaux de la mer les saluent à voler. La pauvre enfant délire. Dans la mer rougissante, nous ne voyons que le soleil qui va se plonger. « Oui, oui, ce sont elles !» dit la malade. « Allez, mon œil ne me trompe point. Et tantôt profonde, tantôt haute, ô miracle de Dieu, leur barque vient ici !» Mais déjà, elle devenait décolorée comme une blanche marguerite que les dards du soleil brûlent à peine épanouie. Et Vincent, l'effroi dans l'âme, accroupi près de sa bien-aimée, la recommande à Notre-Dame, la recommande aux saintes et aux saints du paradis. On avait allumé des cierges. Saint de l'étole violette, vint le prêtre avec le pain angélique rafraîchir son palais qui brûle. Puis il lui donna l'onction extrême et l'oignit avec le crème saint en sept parties de son corps, selon l'us catholique. En ce moment, tout était calme. On n'entendait sur la dalle que l'orémus du prêtre. Au flanc de la muraille, le jour défaillant qui s'engloutit évanouissait ses reflets blonds, et la mer, à belles ondes, lentement venait se rompre avec un long bruissement. Agenouillé, son tendre amant, avec son père, avec sa mère, poussait de temps en temps un sanglot rauque et sourd. « Allons, dit Mireille encore, la séparation se prépare. Allons, touchons-nous la main à présent, car du front des maris augmente l'auréole. Au-devant d'elles, les flamants roses t'accourent déjà des bords du Rhône. Les tamaris en fleurs commencent d'adorer. Ô bonne sainte, elles me font signe d'aller avec elles, que je n'ai rien à craindre, que, vu qu'elles entendent aux constellations, leur barque en paradis tout droit nous mènera. » Maître Ramon lui dit, « Ami, d'avoir essarté tant de brandes, que va-t-il me servir si tu pars de la maison? Car l'ardeur qui m'aidait venait de toi. Le chaud dardé, le feu des glèbes m'altérait. Mais te voir emporter et le chaud et la soif. Quand vous verrez à votre lampe quelque phalène s'allumer, bon père, ce sera moi. Les saintes sur la proue sont debout qui m'attendent. Oui, attendez-moi un court instant, je vais lentement, moi qui suis malade. » La mer alors éclate. « Oh non, non, c'en est trop! Je ne veux pas que tu meures! Avec moi, je veux que tu restes! Et puis, oh ma Mireille, et puis, si une fois tu vas bien, nous irons chez ta tante Orane porter une corbeille de grenades. Des beaux, ce n'est pas bien loin, Mayanne, et l'on peut en un jour aller et revenir. » « Non, ce n'est pas loin, bonne mère, mais allez. Vous ferez seulette le voyage. Ma mère, donnez-moi ma parure blanche. Voyez-vous les blanches et belles mantilles qu'ont sur l'épaule les maris. Quand il a neigé sur les monticules, moins éblouissante est la neige, la splendeur de la neige. » Le brun tresseur de corbeille lui crie alors. « Mon tout, ma belle, toi qui m'avais ouvert ton frais palais d'amour, ton amour, ô mône fleurie, toi, toi, par qui ma bourbe, comme un miroir, s'était clarifiée, et sans crainte jamais des mauvaises rumeurs. Toi, la perle de Provence, toi, le soleil de ma jeunesse, Sera-t-il dit qu'ainsi des glaces de la mort, sitôt que je te vois suante? Sera-t-il dit, ô grande sainte, que vous l'aurez vue agonisante et vainement embrasser vos seuils sacrés? Là-dessus, la jeune fille lui répondit d'une voix lente. Ô mon pauvre Vincent, mais qu'as-tu devant les yeux? La mort, ce mot qui te trompe, qu'est-ce? Un brouillard qui se dissipe avec le glas de la cloche, un songe qui éveille à la fin de la nuit. Non, je ne meurs pas. D'un pied léger, je monte déjà sur la nacelle. Adieu, adieu, déjà nous gagnons le large, sur la mer belle plaine agitée, et l'avenue du paradis, car le bleu de l'étendue touche tout alentour au gouffre amer. Aïe, comme l'eau nous dodeline! J'en trouverai bien un où deux cœurs amis puissent librement s'aimer. Sainte, est-ce un orgue au loin qui chante? Et l'agonisante soupira et renversa le front comme pour s'endormir. À l'air de son visage souriant, on aurait dit qu'elle parlait encore. Mais déjà les saintins autour de l'enfant, l'un après l'autre s'avançaient, et, avec un cierge qu'il se passait, ils lui faisaient, un après l'autre, le signe de la croix. Atterrés, les parents contemplent ce qu'ils font. Loin qu'elle soit livide, eux la voient lumineuse. Vainement, ils la sentent froide. Au cou inconsolable, ils ne veulent pas, ils ne peuvent croire. Mais Vincent, lui, lorsqu'il la voit, avec son front qui pend en arrière, ses bras raidis, ses yeux comme voilés. Elle est morte. Ne voyez-vous pas qu'elle est morte? Et comme on tord les hards d'osier, en désespéré il tordit ses poings, et les bras hors des manches commencèrent les complaintes. Il n'est pas que toi qui seras pleuré, avec toi de ma vie est tombé le tronc. Elle est morte. Morte, ce n'est pas possible, un démon doit me le siffler. Parlez au nom de Dieu, bonnes gens qui êtes là. Vous avez eu vu des mortes, dites-moi si, en passant les portes, elle souriait ainsi. Vraiment, n'a-t-elle pas ses traits presque enjoués? Mais que font-ils? Ils détournent la tête, tous sont gros de sanglots. Ah, en voilà de reste. Ta voix, ton doux parler, je ne l'entendrai plus. » Là, le cœur de tous bondit. Une averse de pleurs débonde. Le crève-cœur à la plainte des vagues ajouta tout à coup un débordement de sanglots. Ainsi, dans un grand troupeau, si une génisse a succombé, autour du cadavre étendu pour toujours, 9 soirs consécutifs, taureaux et taures viennent, sombres, pleurer la malheureuse. Et le marécage et l'onde et le vent de leurs douloureux mugissements retentissent 9 jours. Vieux maître Ambroise, pleure ton fils. Hélas, hélas, faisait Vincent, je veux, Saintin, que dans la fosse avec elle vous m'emportiez. Là, ma belle, à mon oreille, tant et plus, de tes maris tu me parleras. Et de coquillages, ô tempête des mers, là puissiez-vous nous couvrir. Bon Saintin, je me confie en vous. Faites pour moi ce que je vous dis. Pour un deuil pareil, ce n'est pas assez que les pleurs. Creusez-nous dans l'arène molle, pour tous deux un seul berceau. Élevez-y un tas de pierres, afin que jamais l'onde ne puisse nous séparer. Et pendant qu'aux lieux où elle était, ils se heurteront le front sur la terre de remords. Elle et moi, enveloppés d'un serein azuré, sous les eaux tremblotantes, oui, moi et toi, ma si jolie, dans des embrassements délirants, à jamais et sans fin, nous mêlerons nos baisers. Et hors de lui, le vanier éperdument vint se jeter sur le corps de Mireille, et l'infortuné, dans ses embrassements frénétiques, serre la morte.